Bonjour à tous, bienvenue pour la troisième journée, donc dans un décor un petit peu plus officiel, mais on va essayer de rester dans l'atmosphère de discussion et d'intervention qu'on avait déjà les deux premiers jours. Donc une journée sur des thématiques plus esthétiques et plus littéraires. Et on va commencer tout de suite par l'intervention de Guillaume Arthus-Bouvet qui vient de l'Université Paris 8 Saint-Denis et qui donc nous propose une intervention intitulée « Sartre, un sujet littéraire ». Donc tu disposes de 35 minutes et puis ensuite on aura une période d'une petite quinzaine de minutes de discussion. Voilà. Merci. Alors, je vous remercie toutes les deux de m'avoir donné la possibilité de parler à ce colloque d'abord. Donc mon intervention, pour le dire dans des termes qui sont ceux finalement de la doxographie philosophique ricœurienne, concernerait la question de l'identité personnelle dans l'ensemble de l'œuvre de Sartre, et notamment là où cette œuvre articule par une polygraphie réglée l'entreprise philosophique à une entreprise littéraire et critique. Je vais essayer de parler aussi des psychanalyses existentielles. Alors, j'emprunte la formule identité personnelle à Ricoeur, qui en fait un usage spécifique dans Soi-même comme un autre, qui est un livre publié en 1990. Alors bon, ça peut avoir l'air d'une tautologie, si on le prend comme ça rapidement, hein, puisque effectivement, on peut se demander si la personne, ce n'est pas précisément cette entité qui endure sa propre identité à travers un certain nombre de variations, d'évolutions et d'accidents. Hein. Mais le syntagme identité personnelle a au moins le mérite de faire apparaître clairement l'enjeu éminemment dialectique de la question de l'identité. Ricoeur, en effet, distingue au cœur de l'identité personnelle deux composantes qui sont comme ça articulées dialectiquement, d'une part la même-té et d'autre part l'ipséité. Alors, il va assigner à la même-té la maintenance du caractère et à l'ipséité celle de la parole donnée. Du côté du caractère et de la même-té, on a l'identité numérique et qualitative, la continuité ininterrompue et la permanence dans le temps. Et du côté de l'ipséité, la capacité à tenir parole au-delà de la variation irréductible des circonstances et des époques. Je cite Ricoeur, la parole tenue dit un maintien de soi qui ne se laisse pas inscrire comme le caractère dans la dimension du quelque chose, mais uniquement dans celle du qui. Hein, donc on a comme ça deux trajectoires, hein, une trajectoire qui est plutôt du côté de la concordance, avec la même-té, et une trajectoire un peu discordante et paradoxale qui est celle de l'ipséité. Alors évidemment, cette dialectique, Ricoeur va l'inscrire dans le cadre d'une théorie narrative. Il dit que c'est dans le cadre de cette théorie narrative que cette dialectique concrète entre ipséité et même-té va atteindre son plein épanouissement. Donc en ce qui concerne le récit, la dialectique de l'identité entremêle deux lignes d'efficience. Première ligne, donc je l'ai dit, une ligne de discordance qui menace la totalité temporelle. Et la seconde ligne est une ligne de concordance par quoi le personnage tire sa singularité de l'unité de la vie considérée comme la totalité elle-même singulière qui le distingue de tout autre. Et du croisement de ces deux lignes résulte, chez Ricoeur, une synthèse concordante-discordante qui fait que la contingence de l'événement contribue à la nécessité en quelque sorte rétroactive de l'histoire d'une vie à quoi s'égale l'identité du personnage. Alors cette problématique de l'identité et de l'identité personnelle, il faut le dire, elle apparaît comme extérieure au style et à la problématique philosophique sartrienne. C'est-à-dire un système philosophique où, pour reprendre un mot de Ricoeur et Dufresne, la liberté a le dernier mot. Dans un livre qui est consacré à Jaspers, Ricoeur et Dufresne s'interrogeaient en effet sur le destin de l'identité dans une philosophie de la liberté. Le moi, demandait-il, qui s'élabore au gré de décisions anarchiques, ne sera-t-il pas livré à l'incohérence? Ne perd-il pas tout caractère substantiel pour être suspendu à un choix aléatoire et variable? Et alors cette question qu'ils adressaient à Jaspers, ils l'adressaient aussi à Sartre, en supposant qu'elle n'aurait point de réponse et peut-être pas de sens dans un système dont la liberté est le dernier mot et où au surplus la conscience parfaitement transparente est transcendante à l'ego. Alors, il n'en reste pas moins que l'œuvre de Sartre est hantée par la question de l'identité personnelle, identité dont, on l'a vu lundi, la prémisse philosophique de son travail a pourtant déclaré l'inanité. Hein. Alors cette hantise de l'identité, chez Sartre, elle s'exprime par l'écriture de biographies d'écrivains, dont la méthode est formalisée dans L'être et le néant sous une psychanalyse existentielle, et dont le Baudelaire, en 1946, constitue en quelque sorte la préquelle méthodologique. Donc des biographies d'une part, et d'autre part une autobiographie en 64, Les mots, hein, et puis enfin peut-être aussi, il faudrait faire mention des entretiens de la toute fin, hein, où Sartre effectivement dit quelque chose de sa propre identité personnelle. Alors, je crois qu'une réflexion sur la question d'identité personnelle chez Sartre ne doit pas se contenter de souligner la contradiction entre identité, disons, et liberté, et contradiction entre la déclaration philosophique d'impossibilité de saisir un ego stabilisé, d'une part, et l'ambition de reconstituer la totalité d'une vie, d'autre part, dans l'expérience biographique. Je crois qu'il ne faut donc pas se contenter de souligner la contradiction, mais qu'il faut chercher à répondre à la question de ce que Sartre cherche, hein, lorsqu'il s'affronte aux apories d'identité, lui qui n'a jamais renoncé à la radicalité de ses premières thèses, hein, la concernant. Donc ma démarche, hein, c'est une démarche qui doit beaucoup à celle de Ricoeur. Je vais essayer de le dire assez rapidement. Je répète donc que la question centrale de l'œuvre de Sartre, c'est pas l'identité, c'est plutôt la liberté, et que la liberté, telle que Sartre l'entend au début de son itinéraire, donc se passe de l'ego. Elle suspend conséquemment la problématique de l'identité à soi d'un ego qui serait conçu comme un substrat individuel ou personnel. Je crois même qu'on peut dire que la liberté se donne chez Sartre comme la contradiction active de l'égologie. En même temps, l'ego va jouer chez Sartre, dès la nausée, hein, 1938, un rôle fondamental en situant pour Roquentin l'objet d'un désir. Hein. Désir qui est un désir d'être et de ne pas se contenter d'exister, et pour le dire dans les termes de l'être et le néant, qui correspond au désir originel du pour-soi de se constituer comme en soi. Et en même temps, c'est là que j'en viens à cette méthodologie ricœurienne, disons, cette problématique de l'identité personnelle ne se sépare pas chez Sartre de celle de l'écriture. Hein. Puisqu'effectivement, si dès 34, dans la transcendance de l'ego, le discours philosophique déclare l'impertinence du fantasme identitaire, d'autres genres de discours vont s'inventer qui vont venir supporter une sorte d'inquiétude égologique, à la fois le discours romanesque, au sens large, et le discours analytique. Donc, j'ai déjà un petit peu reconstitué cette opposition. Ce que je précise, c'est qu'il s'agit pour moi d'écrire un itinéraire poétique autant que philosophique. Alors poétique au sens très large, hein, de régime inventif du discours. Hein. Alors, la question, c'est de savoir par quelle invention discursive spécifique Sartre va se donner les moyens, dans les marges même de son dispositif philosophique et conceptuel, d'envisager la question de l'identité. Donc c'est ça la partie, disons, ricœurienne de mon propos. Puisque Ricoeur, vous le savez, explique en gros hein, que c'est par la médiation du discours, et notamment du discours narratif, que l'homme se trouve en mesure d'affronter les apories de la temporalité et d'identité. Alors je vais procéder en trois temps. D'abord, je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par tentation égologique chez Sartre, hein, en m'appuyant essentiellement sur la nausée. Ensuite, je vais poser une partie intitulée identité narrative, donc, où j'essaierai de réfléchir sur l'application possible du concept ricœurien d'identité narrative au travail de Sartre. Et enfin, je réfléchirai sur l'articulation, disons, entre l'autobiographie, les mots, hein, et puis les tentatives des psychanalyses existentielles, qui sont les tentatives finalement biographiques. Il faudra évidemment y réfléchir. Alors la tentation égologique, donc ce que j'appellerais la tentation égologique, c'est le lieu chez Sartre d'une tension et d'une contradiction dans ce rapport entre liberté et identité, et la mise en scène de cette tension et de cette contradiction se déploie très clairement dans la nausée. Alors je vais essayer de préciser les pôles de cette contradiction, on en a déjà un peu parlé lundi. Donc dans la transcendance de l'ego, comme quelques années plus tard en 1943 dans l'être et le néant, le discours philosophique sartrien va révoquer le double privilège de transcendentalité et d'originalité qu'on accorde traditionnellement à l'ego. La conscience transcendantale, qui est une spontanéité impersonnelle, se détermine à l'existence à chaque instant, et elle ne se confond ni avec un sujet, ni avec un ego. Donc pour le dire dans les termes de l'être et le néant, on peut affirmer, je cite, que l'être premier à qui toutes les autres apparitions apparaissent n'est pas le sujet au sens conscient du terme, mais c'est la subjectivité même, l'immanence de soi à soi. D'où la formule bien plus tardive dans le Saint-Genest, il n'est permis à personne de dire ces simples mots « je suis moi », les meilleurs, les plus libres peuvent dire « j'existe ». Alors on distinguera évidemment à partir de là l'ego d'une part et la conscience qui en est au principe d'autre part. Alors conformément aux analyses de la transcendance de l'ego, l'ego apparaît plutôt comme un en-soi que comme un pour-soi, hein, c'est le phénomène transcendant d'une conscience, et c'est d'ailleurs en vertu de sa qualité d'être en soi que l'ego peut relever d'une analyse en termes d'identité. Hein. Alors identité au sens formel, donc je vais citer l'être et le néant un peu plus longuement, le principe d'identité peut être dit synthétique, écrit Sartre, parce qu'il ramasse en lui l'infinité de la densité infinie, l'en soi est plein de lui-même et l'on ne saurait imaginer plénitude plus totale, adéquation plus parfaite du contenu au contenant. Il n'y a pas le moindre vide dans l'être, la moindre fissure par où pourrait se glisser le néant. L'identité ne se dira donc que de l'en soi, c'est-à-dire de l'ego au sens transcendant défini par Sartre, et on opposera alors très fortement la conscience à l'ego. La caractéristique de la conscience, en effet, écrit Sartre, c'est qu'elle est une décompression d'être. Il ajoute « il est impossible de la définir comme coïncidence à soi ». Mais si cette incoïncidence à soi de la conscience lui interdit de prétendre à l'identité au sens à la fois matériel et formel de la densité d'être, elle ne la soustrait pas pourtant à une analyse en termes d'ipséité qui commence comme ça à se faire jour dans l'être et le néant. Alors ça c'est une sorte de petite parenthèse qui ne va pas forcément se raccrocher à ce que je raconterai par la suite, en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait élaboré, mais je voulais simplement signaler que dans l'être et le néant on trouve comme ça une réflexion sur la notion d'ipséité alors qui n'est pas tout à fait le sens ricurien de l'ipséité, mais qui est le sens, disons, de ce que Sartre entend par personnalisation de l'ego, et cette ipséité aurait son lieu, paradoxalement, dans la conscience. Donc je cite, c'est pas tout à fait ce que dit la transcendance de l'ego de ce point de vue-là. « Loin que l'ego soit le pôle personnalisant d'une conscience qui, sans lui, demeurerait au stade impersonnel, c'est au contraire la conscience dans son ipséité fondamentale qui permet l'apparition de l'ego dans certaines conditions, comme le phénomène transcendant de cette ipséité. » Alors, il y a une ipséité fondamentale, bon, on ne sait pas trop ce qu'elle est, elle ne doit évidemment pas être confondue avec une identité, et on peut donc la distinguer, cette ipséité, comme chez Ricoeur, de l'identité. Ce n'est pas une identité formelle, ce n'est pas une même-té. Et en même temps, cette ipséité de la conscience demeure énigmatique, étant donné la structure même du pour-soi. Je vais citer encore l'être et le néant, le sujet ne peut être soi, pardon, car la coïncidence avec soi fait disparaître le soi. Mais il ne peut pas non plus ne pas être soi, puisque le soi est indication du sujet lui-même. Le soi représente donc une distance idéale dans l'immanence du sujet par rapport à lui-même, une façon de ne pas être sa propre coïncidence, d'échapper à l'identité tout en la posant comme unité. Alors, je crois que ce qu'il faut retenir, ce qui est moyen d'articuler ça avec ce que je vais raconter par la suite, c'est cette histoire de soi définie comme indication du sujet lui-même. Alors cette ipséité, elle est donc peut-être, elle pourrait peut-être être liée à une problématique de l'indication, au sens pratiquement, alors je tiens un peu les choses, sémiotique ou sémiologique, et c'est ce que je vais essayer de dire par la suite, mais je crois que dès l'être et le néant, on a quand même ça, c'est-à-dire il n'y a pas d'exclusion par principe de la possibilité pour un sujet de parvenir à une identité sous la forme de cette ipséité indicative, une identité qui ne se confond pas évidemment avec la substantialité d'un ego. Et alors, c'est, mon hypothèse, c'est que c'est à travers des dispositifs discursifs, indicatifs, spécifiques, qui sont ni simplement philosophiques, ni simplement littéraires, que cette construction d'une identité non-égologique va trouver sa ressource essentielle. Alors, deuxième temps de cette intervention, j'ai intitulé ça « Identité narrative » et c'est une réflexion surtout sur la nausée. Je vais essayer de rappeler quelques éléments de ce premier roman que Sartre, je le rappelle, rédige dans les années 30 en même temps que la transcendance de l'ego. Le matin, je ne sais plus dans quel ordre, je crois que c'est la philosophie, l'après-midi, la nausée ou inversement, mais en tout cas, il y a une simultanéité très forte comme ça dans le régime d'écriture. Bon. Alors, la nausée, c'est la relation diariste, donc sous forme de journal, qui est évidemment un journal fictif, de la découverte par Antoine Roquentin de la contingence radicale de sa propre existence. Et donc, conformément aux analyses de la transcendance de l'ego, l'identité de Roquentin se confond avec l'extase perpétuelle de sa conscience. « Ma pensée, c'est moi », je cite le journal de Roquentin. « Voilà pourquoi je ne peux pas m'arrêter, j'existe parce que je pense, et je ne peux pas m'empêcher de penser. C'est moi qui me tire du néant auquel j'aspire. » Donc, en ce sens, la nausée constitue bien la mise en récit de l'expérience dont la transcendance de l'ego décrit non seulement la possibilité, mais bien la nécessité. Révélation que l'ego est précédé par une conscience absolue qui, lorsqu'elle est purifiée du jeu, n'a plus rien d'un sujet et devient tout simplement une condition première et une source absolue d'existence. Et l'événement nauséeux qui transit Roquentin correspond donc trait pour trait à la description par Sartre dans la transcendance de l'ego d'une épopée radicalisée. Alors, De ce point de vue-là, il faut rappeler que Sartre propose de renverser, au fond, on a aussi un peu parlé, la perspective de la phénoménologie husserlienne vis-à-vis de cette suspension des évidences naturelles, de telle sorte à considérer, au fond, que l'attitude naturelle n'a pas l'évidence rassurante d'une certitude acquise une fois pour toutes, mais est au contraire constamment menacée par la possibilité de l'époquée vécue comme crise. Et donc, il y a un renversement assez net de perspective. Je cite la transcendance de l'ego. Si l'attitude naturelle apparaît tout entière comme un effort que la conscience fait pour s'échapper à elle-même en se projetant dans le moi et en s'y absorbant, l'époquée n'est plus un miracle, elle n'est plus une méthode intellectuelle, un procédé savant, c'est une angoisse qui s'impose à nous et que nous ne pouvons éviter. C'est à la fois un événement pur d'origine transcendantale et un accident toujours possible de notre vie quotidienne. Donc c'est cette histoire-là que raconte la nausée. Et donc, la nausée constitue une méditation romanesque sur les apories de l'identité, pour le dire comme ça. Alors cette méditation implique, c'est très important, une réflexion d'ordre pratiquement narratologique qui concerne la capacité du récit à produire et à soutenir une identité personnelle. Parce que l'expérience nauséeuse de Roquentin le conduit à construire une figure idéale contraire qui serait celle d'un ego résistant à l'épreuve de l'existence, à l'épreuve de la contingence. Expression d'un désir d'être. Je cite la nausée, « Moi aussi j'ai voulu être, je n'ai même voulu que cela, voilà le fin mot de l'histoire, je vois clair dans l'apparent désordre de ma vie, au fond de toutes ces tentatives qui me semblaient sans lien, je retrouve le même désir, chasser l'existence hors de moi, vider les instants de leur graisse, les tordre, les assécher, me purifier, me durcir pour rendre enfin le son net et précis d'une note de saxophone. » Alors la métaphore musicale, la note de saxophone, indique les enjeux, l'accès à l'être suppose une formalisation esthétique. Et c'est ce fantasme musical qui va conduire Roquentin, qui n'y connaît rien en musique, à projeter l'écriture d'un livre qui serait un livre rédempteur. Il le dit comme ça, il faudrait que ce soit un livre, je ne sais rien faire d'autre. Mais pas un livre d'histoire, l'histoire ça parle de ce qui a existé, jamais un existant ne peut justifier l'existence d'un autre existant. Mon erreur c'était de vouloir ressusciter Monsieur de Rolbon, puisque Roquentin, je vous le rappelle, écrit une thèse d'histoire sur un marquis. Et s'aperçoit en quelque sorte de l'impraticabilité de l'exercice biographique dans cette perspective de construction d'une identité. Donc cette rédaction de thèse qui concerne le marquis de Rolbon implique en ce sens une narrativité historienne articulant la matière même de l'existence et elle ne pourra dès lors prétendre à être ou à l'être. D'où la visée par Roquentin d'une autre espèce de livre, je ne sais pas très bien laquelle, je continue de citer, mais il faudrait qu'on devine derrière les mots imprimés, derrière les pages, quelque chose qui n'existerait pas, qui serait au-dessus de l'existence, une histoire, par exemple, comme il ne peut pas en arriver, une aventure. Il faudrait qu'elle soit belle et dure comme de l'acier et qu'elle fasse honte aux gens de leur existence. Alors, cette figure de l'aventure est une figure centrale dans la nausée et définit très précisément le régime narratif qui serait apte à rédimer l'existence et à configurer une identité personnelle acceptable. Je cite encore, et alors peut-être je pourrais, à travers lui, à travers ce livre aventureux, me rappeler ma vie sans répugnance et j'arriverais au passé, rien qu'au passé, à m'accepter, dit Roquentin. Alors cette identité visée, c'est peut-être une identité personnelle, ou il y a peut-être un bénéfice personnel pour Roquentin dans la tentative de la produire, mais elle suppose, on le voit, un double détour. Détour par la configuration narrative, il s'agit d'une histoire, et détour par la fiction, puisqu'il s'agit d'une histoire comme il ne peut pas en arriver. Et en même temps, c'est là qu'il y a une contradiction très forte, il faut rappeler que dans le roman, dans son journal, disons, Roquentin aurait exprimé plutôt sa méfiance vis-à-vis des formes traditionnelles de la narrativité, et en particulier vis-à-vis de la forme du roman d'aventure. Je cite un peu longuement la nausée, il s'agit d'une critique de la formalisation par le récit, construit comme ça une sorte de logique de l'existence qui est falsificatrice. On a l'air de débuter par le commencement. Et là, il donne un exemple de commencement romanesque ou aventureux. C'était par un beau soir de l'automne de 1922, j'étais clerc de notaire à Maromme. Et en réalité, poursuit Roquentin, c'est par la fin qu'on a commencé. Elle est là, invisible et présente. C'est elle qui donne à ces quelques mots la pompe et la valeur d'un commencement. Je me promenais, j'étais sorti du village sans m'en apercevoir. Je pensais à mes ennuis d'argent. Il continue avec ce récit fictif. Cette phrase, prise simplement pour ce qu'elle est, veut dire que le type était absorbé, morose, à 100 lieues d'une aventure, précisément dans ce genre d'humeur, où on laisse passer les événements sans les voir. Mais la fin est là, qui transforme tout. Pour nous, le type est déjà le héros de l'histoire. Donc Roquentin est comme ça situé dans un partage entre une défiance vis-à-vis des constructions fictionnelles qui falsifient l'expérience tout en la justifiant, d'une part, et d'autre part la volonté de conférer à sa propre vie par l'écriture une cohérence qui la rende habitable, pour utiliser un lexème ricœurien. La nausée en ce sens met en récit un désir de rédemption certes, mais dans une forme narrative, celle du journal, qui échappe à la tentation de la configuration. C'est bien pour ça que c'est pas un roman, mais un journal. Sartre retrouve en quelque sorte une solution synthétique. L'appareil du récit diariste, qui joue conformément à la règle du genre journal de l'ellipse, de la paralypse, c'est-à-dire il y a des événements qui sont laissés de côté, il y a aussi des coupes dans le récit, minimise en quelque sorte les symptômes les plus évidents de la formalisation narrative, et tout se passe donc comme si la nausée réalisait l'assomption narrative la plus rigoureuse des apories d'identité personnelle dans la forme d'un discours narratif où la ligne de discordance domine la ligne de concordance. Alors toutefois, si le roman permet d'assigner un effet disloquant à l'identité de Roquentin, du personnage, il produit étonnamment, en ce qui concerne Sartre lui-même, l'effet d'une mise hors de cause. C'est ce que dit Sartre dans Les Mots. Je réussis à 30 ans ce beau coup d'écrire dans la nausée, bien sincèrement, on peut me croire, l'existence injustifiée saumâtre de mes congénères et à mettre la mienne hors de cause. C'est en effet le personnage de Roquentin qui est en jeu dans les interrogations que formule la nausée, et non pas l'auteur Sartre. Sartre se sauve lui-même en quelque sorte en sacrifiant son personnage sur l'autel, on va dire, de ses thèses philosophiques les plus radicales concernant les apories d'identité. Et donc si on peut constater que le journal laisse inconfigurer l'identité narrative de Roquentin, qui reste aux prises avec les apories d'existence, il est assez difficile de savoir ce que Sartre, lui, tire comme bénéfice éventuel de cette écriture romanesque. En tout cas, il en tire, il le dit dans Les Mots, un bénéfice de mauvaise foi, sur lequel il va revenir un peu plus tard. Donc je viens à présent ma troisième partie, biographie et autobiographie. Donc dans Les Mots, Sartre manifeste une méfiance, en quelque sorte, vis-à-vis de l'écriture romanesque, quand bien même elle voudrait disloquer le personnage, comme il l'a fait dans La Nausée. Alors on sait qu'il écrit aussi il s'investit à un moment donné dans une écriture un peu plus systématique, d'un roman un peu plus total, Les Chemins de la Liberté, mais qui reste inachevé et dont la fin prévoyait le sacrifice, là aussi la disparition des personnages. Alors, je ne vais pas beaucoup en parler, on pourra peut-être y revenir. Donc, Les Mots, 1964, c'est une autobiographie qui a une double particularité. D'abord, elle fait le récit d'une vie qui est une vie infusée de lecture et d'écriture. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, écrit Sartre, au milieu des livres. Première particularité, la vie est inséparable de l'écriture. Mais d'autre part, ce récit des mots s'achève sur le geste d'une abdication. Il s'agit en effet de renoncer à la fascination du discours. Écrire, dit Sartre, ce fut longtemps demander à la mort, à la religion sous un masque, d'arracher ma vie au hasard. Il parle de ce qu'il a fait au fond dans la nausée. Au terme des mots, il affirme que la culture ne sauve rien ni personne et qu'elle ne justifie pas. Donc on a là encore une contradiction dans les mots. Certes, le discours y articule l'itinéraire d'une vie, mais cet itinéraire existentiel s'achève précisément sur la déclaration d'un renoncement au discours qui pourtant l'a porté. Alors si on prend Sartre au sérieux, il faut considérer que les mots ne peuvent pas constituer une tentative de justification de la vie et de rédemption du hasard qui passerait par la production d'une identité narrative. À la fin des mots, identité narrative sartrienne entend précisément qu'elle supposait l'exercice du discours, se disloque, il reste l'impersonnel du singulier quelconque que ni son caractère ni son itinéraire ne définissent. Je cite la fin, le salut une fois rangé au magasin des accessoires, je déforme un peu la phrase, il reste tout un homme, fait de tous les hommes, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. Et d'une certaine façon, en ce sens, pour Sartre, l'identité narrative, dans le registre du moins du récit de soi, ne sera jamais qu'une fiction, ou pire qu'une fabulation qui vient suppléer, au sens d'Héridien, la contingence originelle du pour-soi. Suppléer, pour Derrida, c'est à la fois venir à la place et combler un manque. Le seul destin du personnage, c'est donc l'effondrement, car il n'est pas et ne peut pas être son propre fondement. Et d'une certaine façon, de même que l'ego est transcendant à la conscience, le personnage est transcendant à son auteur. Alors sans doute, dans certains cas, comme dans la nausée, le personnage peut produire sur l'auteur un effet provisoire de justification ou de salut, comme dans le cas de Roquentin pour Sartre, mais cet effet relève de l'illusion dénoncée par la transcendance de l'ego. Le personnage est donc, à mon avis, à l'auteur du récit, ce que l'ego est à la conscience. Je l'ai déjà dit. Alors, on comprend que l'entreprise autobiographique sartrienne ne puisse donc pas aboutir à une identité narrative par quoi Sartre eût pu se constituer comme l'auteur de son propre personnage, c'est-à-dire comme un pur auteur de soi. La tentation de se fonder soi-même par la production d'un personnage égologique conduit, comme l'indique Sartre au sujet des personnages de Genet, à l'éclatement. Alors, je cite ce que dit Sartre au sujet de de Genet. Alors il parle en fait d'un texte qui s'intitule Pompe funèbre, qui est publié en 47. Donc je vais en parler très rapidement. Donc voilà ce qu'écrit Sartre. Ces créatures, les créatures de Genet, l'une après l'autre, se camperont devant les miroirs en se nommant. Je suis Eric Seidler, l'amant du bourreau, je suis un Allemand, je suis un soldat, je suis la bonne. Ils souhaitent que le mot, en frappant leur image, opère la cristallisation, leur fasse voir ce qu'est un Allemand, une bonne, mais le mot fout le camp, l'image reste terne et trop connue. Pour finir, Eric sort son revolver et tire sur son reflet. Alors dans ce récit, Pompe funèbre, hein, qui date de 47, qui a été publié d'abord de manière anonyme, on a un travail d'autofiction polyphonique, hein, de la part de Jean Genet, dans un travail dans lequel le jeu d'énonciation va s'incarner successivement dans des identités différentes, jusqu'à atteindre comme ça une fabulation extrême qui sera une fabulation de soi sous les traits d'Hitler. Hein. Alors, à un moment donné, comme ça, c'est Hitler qui dit « je », hein, dans le roman « Genetien ». Alors ça constitue évidemment pour le lecteur une provocation insoutenable d'une part, mais en même temps ça réalise l'ultime dislocation d'identité autofictionnelle qui était initialement posée par Genet. Hein. Donc il ne suffit pas de se nommer, il ne suffit pas de se figurer, hein. L'énoncé « je serai le voleur hein, » par exemple, qui constitue hein, dans l'itinéraire je me tiens comme ça, vu par Sartre, une sorte de moment de dépassement de l'oppression première qu'il avait subi, hein, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Cet énoncé « je serai le voleur » qui dessine une figure de soi apparemment évidente et solide n'est en réalité que l'avers d'une essentielle précarité. Hein, le personnage, au sens de l'identité produite par le discours, n'est ainsi et ne peut être que la fiction d'un soi. Alors, de ce point de vue-là, ni la fiction romanesque, ni l'autobiographie ne donnent lieu chez Sartre à la diction narrative d'une vérité de soi. Le roman produit un personnage en crise, par quoi l'auteur rassure sa propre mauvaise foi. Et d'ailleurs, le personnage Roquentin va chercher lui-même à trouver son salut dans la littérature. Donc, il va finir par sombrer lui aussi dans la vocation de construction d'un personnage rédempteur. Hein. Donc ça, c'est pour le roman. Et du côté de l'autobiographie, on a une figure de soi qui s'égale en dernière instance à sa propre dislocation, hein, que ce soit dans les mots ou dans un certain nombre de tentatives autofictionnelles chez Genet, lues par Sartre. Alors on peut supposer, comme ça, c'est une hypothèse de travail, que l'engagement dans les psychanalyses existentielles constituerait la tentative de dépasser cette aporie du personnage un personnage en déployant un dispositif textuel spécifique qui articule trois modalités de discours, la narration, hein, puisque ces psychanalyses existentielles sont biographiques, l'analyse, alors au sens très large hein, que lui donne Sartre, et en même temps assez précis quand même, et le commentaire, hein, puisqu'à chaque fois il s'agit de lire des textes. Alors Bruno Clément propose de considérer ces psychanalyses comme la tentative de fonder un type d'identité spécifique hein, qui désigne sous le nom d'identité énarrative, c'est-à-dire liée à la pratique du commentaire, énarrative en tant qu'elle suppose donc un détour par l'altérité. Alors je vais citer sa thèse en gros dont je m'inspire mais que je vais essayer de déplacer un tout petit peu. Alors je cite le lecteur et son modèle. L'identité énarrative chercherait à désigner non pas l'effort de concilier un temps phénoménologique dont la familiarité me trompe et un temps calendaire dont l'infinité sidérale m'inquiète, ce serait l'identité narrative, mais par mot de l'autre choisi et interposé, le travail patient et résolu d'avoisinement du moi, que je ne connais et n'aime guère, et de cette part en moi dont je sais seulement l'existence et dont je ne peux que soupçonner l'irréductible et impensable altérité. Alors, je crois qu'il est évident que les psychanalyses existentielles méritent d'être prises très au sérieux, hein, que c'est une tentative, à la fois sur le plan de l'écriture et sur le plan de la consistance philosophique, qui est absolument cruciale dans l'itinéraire de Sartre. Bon. Alors, cela dit, je ne suis pas persuadé que Sartre se cherche hein, à travers ses textes. Quelle est la question qu'il pose? On la connaît, hein, elle ouvre l'idée de la famille consacrée à Flaubert, et c'est une question critique, hein, au sens qu'ancien. Que peut-on savoir d'un homme aujourd'hui? Peut-être qu'il faut lire là-dedans la tentative de Sartre, mais de manière assez subtile. Hein, parce que l'indéfini, un homme aujourd'hui, ne signale pas tout à fait la même chose que la formule finale des mots, qui situait « un homme fait de tous les hommes hein. ». L'idée de la famille vise à produire un savoir qui ne concerne, alors, évidemment pas l'universel abstrait, mais malgré les déclarations de Sartre à cet égard, je ne suis pas sûr que ce savoir vise non plus l'universel concret. Hein. Je crois qu'il faudrait plutôt parler de volonté de détecter une singularité hein, en travaillant sur cette polygraphie réglée. Hein, donc, détection de la singularité du cas Flaubert en construisant un discours clinique. Hein. C'est une singularité qui s'écrit doublement. Alors, tous les analysés de Sartre sont en effet aussi des écrivains, dont d'une part, et en même temps, ces écrivains convoquent l'appareil d'un commentaire, hein, cette polygraphie analytique. Et on retrouve au fond là l'articulation conceptuelle ricœurienne dont je parlais au début, selon laquelle l'identité n'aurait lieu comme telle qu'au travers des discours qui tout à la fois la rêvent, la destituent et la poursuivent. Alors, pour le dire autrement, une vie, de ce point de vue-là, n'est pas séparable des discours qu'elle ne cesse de déployer pour se saisir sous la forme d'une personnalité pourtant insaisissable. Ou encore, une vie se personnalise sans cesse par les discours qu'elle ne peut pas cesser de produire, de reproduire, hein, parce que finalement, l'écriture d'une vie est inséparable des commentaires qu'elle convoque. Hein. La vie, donc, ne se reconnaît ni dans l'ego ni dans le personnage, elle fonde sa singularité dans sa capacité à produire des figurations de soi qui la soutiennent, mais qu'elle ne cessera pourtant d'excéder. Alors, j'ai pas répondu à la question de savoir ce que Sartre voudrait faire. Je vais conclure là-dessus en proposant vraiment une hypothèse. Hein. Alors, de quoi donc cette étrange passion biographique constituerait le symptôme pour Sartre ? Je dirais qu'il s'agit peut-être pour lui de dépasser cette formalité dialectique qu'il a instaurée dès le départ, hein, et qui est une confrontation interminable entre l'ego et la conscience, entre la lourdeur de l'en-soi et la ferveur du pour-soi, hein, cette confrontation dans laquelle il risquait peut-être de se trouver enfermé, en se condamnant du coup à l'incapacité de fonder une éthique. Donc la psychanalyse existentielle réaliserait en quelque sorte le projet moral sartrien. Proposition évidemment un peu discutable, mais c'est fait exprès. Alors, donc je dirais pour conclure, s'il y a une morale sartrienne, elle a lieu dans cette clinique des identités que constituent les psychanalyses existentielles et qui sont aussi en quelque sorte des exemplifications éthiques. De ce point de vue-là, si chez Sartre, il n'y a pas de morale sans liberté, il faut, pour que la liberté soit capable de morale, qu'elle habite en quelque sorte l'espace fabuleux du discours, en s'y produisant comme personnage ou comme impersonnage, hein, c'est-à-dire au moins l'espace d'un instant, comme une identité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention riche et passionnante, et je pense qu'il va donner lieu à des discussions. J'aurai plusieurs questions, mais je laisse la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez, des remarques, des... Claire ? Très bien, vous nous expliquez peut-être le passage entre les expériences romanesques et les tentatives de biographie, tout en disant que c'était jamais une vérité de soi qui se jouait ni dans le roman ni dans l'autobiographie. Mais s'il n'y a pas, il y a quelque chose que je n'arrive pas très bien à comprendre, j'ai l'impression qu'il doit malgré tout y avoir une exigence de vérité. Dans l'expression du soi, de la forme littéraire employée, parce qu'il y a bien un moment où Sartre abandonne l'expérience romanesque et il la disqualifie, il a bien des critères, selon, et donc ça veut dire qu'il y a quand même une exigence de vérité de l'expression du soi. Et je vois pas tellement pourquoi est-ce qu'il disqualifierait ce choix-là à un moment s'il n'avait pas du tout de critères et s'il ne se jouait pas du tout de vérité de l'expression du soi. Voilà, c'est oui. Alors, je réponds à cette question. Alors, c'est sûr, il y a une exigence de vérité. Et comme tu dis, effectivement, il n'y aurait pas de révocation de la forme romanesque ou du personnage sans exigence de vérité. Le problème, c'est que si on prend les mots, alors évidemment, c'est très schématique hein, ce que j'en dis, parce qu'il y a des moments singuliers à l'intérieur même du texte. Cette exigence de vérité, elle conduit en dernière instance. Certes à une révélation, mais à la révélation de l'inanité du personnage. Et donc, effectivement, l'exigence de vérité conduit à l'affirmation de l'indéfini, en quelque sorte, un homme. Et donc, cette vérité est peut-être une vérité, mais c'est une vérité qui a été, en quelque sorte, patiemment désarimée du soi. D'une certaine façon. Et en même temps, ça n'est pas le dernier mot, puisque cette vérité du soi, il va encore la chercher. Il ne la trouvera sans doute jamais que chez les autres, d'une certaine façon. La vérité du soi, elle est chez l'autre. Alors, par quel dispositif l'écrire ? Bon, et on n'y arrive pas. Je crois qu'il n'y arrive pas, c'est-à-dire que l'articulation, elle est infaisable. Mais c'est peut-être ça que j'essaye de dire, c'est-à-dire effectivement, il s'agit de faire le détour par les... d'autres qui s'écrivent pour attester d'une vérité de soi dont la prise directe en quelque sorte effectivement aurait donné lieu à alors je dis dislocation, c'est peut-être, mais c'est sûr, il y a une exigence de vérité et elle concerne bien la vie de Sartre dans les mots, enfin voilà. Bon, j'ai pas été très clair. J'ai vraiment beaucoup aimé vous proposer, qui est très construit et surtout extrêmement clair, et la façon dont le problème et la tentation initiale restent, cette hantise, comme tu l'as dit, je trouve que c'est extrêmement juste, et la question de Claire aller dans ce sens-là, sur la permanence de cette hantise. Alors, moi, bon, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Alors, mais la question, vraiment, c'est l'hypothèse que tu soulèves à la fin, donc qui est une hypothèse d'élargissement. Je trouve ça extrêmement questionnant. L'idée que la morale sartrienne, si elle existe, ce soit dans les psychanalyses existentielles qu'elle soit élaborée, et en particulier avec le problème. Et j'aimerais bien que tu étayes un peu plus, ouais. Parce que c'est suggestif. J'aimerais beaucoup. Alors, ça va être difficile, c'est-à-dire que c'est réellement, ça existe réellement à titre d'intuition et d'hypothèse. Et il faudrait. Une des directions les plus claires que j'aurais, ce serait de réfléchir sur la notion d'exemplarité. Et en même temps, elle me paraît peut-être réduire un peu les enjeux. Donc il faudrait essayer de penser que la vie de Flaubert est exemplaire. Mais pas au titre, disons, pas de la même manière que les vies, que les exemplats traditionnels où effectivement on cherchait comme ça des... Donc la question, c'est un peu la même question, c'est-à-dire comment faire pour décrire une vie exemplaire en tant que cette exemplarité n'a cessé d'être travaillée par un arrachement de soi, par des processus de libération. Donc qu'est-ce qui peut devenir exemplaire? Comment une histoire, l'histoire de la liberté peut faire exemple, quoi? Sans que, à la fin, puisqu'on en a fait un exemple, c'est un peu ce qu'on disait aussi sur la question des normes, de la normativité, c'est-à-dire comment on articule. Et moi, ce qui me semble intéressant chez Ricoeur de ce point de vue-là, peut-être pas chez Ricoeur, mais dans ce que Ricoeur propose, c'est sa réflexion, enfin sa description, ou les descriptions qu'on peut faire, pas forcément Ricoeur seulement, de la complexité du dispositif narratif en tant qu'il serait capable justement de gérer cette articulation paradoxale entre de l'exemplarité et de la liberté, on va dire ça comme ça. Et en même temps, je pense que Sartre va plus loin que cette histoire d'identité narrative, parce que les psychanalyses existentielles, ce ne sont pas seulement des récits, c'est un dispositif, mais la description resterait à faire. Voilà, je crois que ce qu'il faudrait faire, c'est décrire un peu formellement aussi, à la fois sur le plan effectivement de l'articulation conceptuelle et de la continuité conceptuelle et de ce problème-là, mais aussi regarder dans le détail comment il y a une polygraphie intériorisée dans ces textes qui, au fond, c'est comme si tout se passe comme si dans les psychanalyses existentielles et peut-être dans le Flaubert, on pourrait dire, bon, Sartre répétait toute son œuvre et toute sa polygraphie. C'est-à-dire la narration, la critique littéraire, la biographie, peut-être aussi l'autobiographie, puisque Madame Bovary, c'est moi, dit Flaubert, et ça. Bon, donc, mais il faudrait le faire avec plus de. Voilà, il y a du travail, quoi. Voilà. Mais Moi, je salue vraiment ton effort de rendre compte de la diversité des textes et effectivement ce contraste auquel je n'avais pas du tout pensé entre les mots et les biographies existentielles. Maintenant, en fait, je voudrais que tu en dises plus au sujet de l'aporie entre personnage et impersonnage, au sens où j'ai l'impression, il y a une théorie de la personne qui est très très claire dans l'être et le néant, avec la question du circuit. L'ipséité, c'est-à-dire que oui, la liberté est contradictoire en un sens, mais c'est précisément parce qu'elle est contradictoire que l'on constitue quelque chose qui, lui, ne l'est pas, ne l'est plus en un certain sens. Le renversement, dire que l'existence précède l'essence ne signifie pas que que l'existant ne laisse pas une essence dans son sillage. Le circuit de l'ipséité, hein, c'est le récit de la construction de ce sillage, en un certain sens. Donc, sur la question de l'exemplarité, justement, il me semble que montrer comment en fait, ce sillage se construit dans l'impossibilité pour la conscience de coïncider avec elle-même, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut en rendre compte. Donc, voilà. Oui, alors tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, il y a une construction d'un sillage, il y a la construction d'une trace. On pourrait dire que Sartre va chercher cette trace dans l'œuvre des écrivains qu'il convoque. Peut-être ce que je dirais comme ça pourrait être dans ton sens, c'est qu'effectivement, ça se jouerait l'articulation du sillage ou la reprise de la trace, la capacité. L'idée c'est quoi? C'est en gros, effectivement, je me libère en permanence de ce que je suis, je laisse derrière moi un sillage. Qu'est-ce que je dois en faire de ce sillage, quoi, d'une certaine façon? Ricoeur dirait, je le raconte, je le mets en récit, et du coup, dans ce récit de moi-même, ou décalé par la fiction, je me réapproprie ma propre histoire, de telle sorte à pouvoir la continuer. Pour Sartre, il y a une radicalité supplémentaire, à mon avis, dans le concept sartrien de liberté, qui fait que peut-être que l'appareil narratif n'est pas suffisamment disloquant, et que la reprise narrative du sillage risque toujours la falsification. En passant par autrui, l'autrui biographique, et en passant par sa textualité, c'est-à-dire par l'écriture, donc en se mettant dans une posture de secondarité encore plus. C'est-à-dire au lieu d'être au deuxième niveau, c'est-à-dire la vie et l'écriture, on va se mettre à un troisième niveau, l'écriture sur l'écriture de la vie, quoi. Et d'une certaine façon, peut-être que cette position de secondarité du commentaire, c'est la reprise d'un sillage qui fait droit à ce qui, dans ce sillage, avait à voir avec la liberté, plus que le récit. C'est-à-dire, le récit, c'est toujours susceptible de construire une identité oppressive. Dans sa forme. Alors c'est ce que Sartre dit dans les situations. Il oppose roman et récit et il dit bon, l'homme romanesque est libre alors que l'homme du récit c'est un produit logique d'une c'est un produit mécanique, voilà, qui est effectivement le résultat d'un itinéraire construit et donc il y a une opposition très forte comme ça. Sauf qu'on voit pas très bien dans quelle œuvre il produirait quelque chose qui serait à la hauteur de cette exigence qu'il assigne au roman et qui doit être contradictoire avec la formalisation narrative telle qu'elle peut avoir lieu dans le récit. Il le fait dans La Nausée avec ce dispositif de journal fictif. Hein. On a là effectivement une solution. Bon, mais on peut pas le faire à chaque fois, quoi, en quelque sorte. Et je dirais qu'on peut pas le faire à chaque fois. On le fait une fois et on se rend compte qu'il y a encore de la mauvaise foi. Il faut recommencer. Alors voilà. Je pense que le commentaire c'est-à-dire le rapport à la trace. Le rapport à la trace de soi, c'est encore un peu trop intime, en quelque sorte. Il faut passer par l'œuvre de l'autre, quoi. Voilà. Oui. Je vous félicite pour votre communication, que j'ai trouvé énormément intéressante. Je voudrais savoir votre avis à propos de cette question morale que Sartre a promis à la fin de l'être humain. Là-bas, si je me souviens bien, il dit que c'est une question morale qui commencera à partir d'une analyse de passion individuelle, du pour soi. Une morale du pour soi individuel. Mais comment envisager une morale sans autrui? Une morale, à mon avis, elle met en question la question d'autrui. Et donc, comment, à votre avis, la psychanalyse existentielle pourrait rendre compte de cette morale individuelle? Oui, parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et je vous demande aussi, la psychanalyse existentielle, à mon avis, elle semble remplir, combler les défauts que Sartre a trouvés dans la psychanalyse freudienne. Et donc, mais comment la morale aurait pu c'est construire à partir d'un individu, un exemple Flaubert, et en même temps pour tout le monde. Alors, c'est sûr que la... Enfin, disons qu'il y a, il y a deux éléments. Effectivement, la fonction de la littérature en général, pour Sartre, tel qu'il le définit dans Qu'est-ce que la littérature, c'est la construction d'une, de la relation à autrui. C'est-à-dire, on écrit à l'adresse d'une, d'une autre liberté. Donc, là, il y a un premier... Je pense que là, il y a une première direction... très clair, une première sortie, disons, de cette interminable dialectique de la passion individuelle, de l'arrachement aux données, etc., etc. C'est-à-dire, à un moment donné, Sartre propose de penser que certains textes, bon, peut-être l'ensemble, il parle des textes littéraires, il parle de la littérature, mais effectivement que la littérature est convocation de la liberté de l'autre. Et en même temps, dire que la littérature est convocation de la liberté de l'autre, ça veut dire que la réponse qu'on doit donner à un texte littéraire relève, de manière très, pour dire de manière très, très générale, de la pratique du commentaire ou de l'interprétation. Hein. Si c'est par la littérature qu'on est en mesure de convoquer la liberté d'autrui, autrui en retour est sommé d'interpréter, en quelque sorte. Et c'est peut-être ça que, c'est-à-dire qu'une fois que Sartre, enfin j'allais dire une fois, c'est pas chronologique comme ça, mais Sartre ayant dit ça dans Qu'est-ce que la littérature, il va l'appliquer à Genève Flaubert, c'est-à-dire des écrivains me convoquent à l'interprétation, et interpréter c'est faire le geste, enfin voilà, c'est à la fois construire de la relation, mais c'est attester dans la relation de ma liberté. Alors je sais pas si c'est... Alors après, comment articuler ça avec la question de l'exemple, c'est-à-dire pourquoi la vie de Flaubert serait une morale non pas seulement individuelle, mais une morale pour tous, comme vous avez dit. D'abord parce que la vie de Flaubert, elle est, bon, disons, telle que Sartre la détermine, est déjà en relation, est déjà, comment dire, c'est la vie de Flaubert telle que Sartre l'interprète, et du coup on est dans l'espace, la psychanalyse existentielle, elle s'écrit pas, c'est pas une expérience individuelle que décrit le livre de la famille, c'est la... Tout ça, ça se joue dans la relation entre Sartre et Flaubert, en quelque sorte. Et du coup, on est dans l'exercice interprétatif, au cœur de la question du rapport à autrui. Peut-être que c'est même le... Enfin, il y a l'action que j'ai pas du tout évoquée, quoi, qui serait aussi... Mais, bon, je me suis limité au texte. Dans le... Voilà. Il y a des formes de la textualité qui attestent à la fois qu'on est en relation et à la fois qu'on est chacun, pour l'autre, une liberté. Bon, et la psychanalyse existentielle fait ça. Alors, en quoi, ensuite, pour d'autres lecteurs, ce serait exemplaire? C'est parce que, d'abord, Sartre, effectivement, se met lui-même dans une situation de relation. Donc, il ne faut effectivement pas le recevoir comme le récit d'une vie dans sa singularité, au sens, dans sa clôture, dans sa passion individuelle. Il s'agit d'un exercice interprétatif qui répond à l'exigence de... qui répond à cette convocation d'une liberté par une autre liberté. Voilà, je dirais ça comme ça. Est-ce qu'il y a encore... Alors, s'il y a des questions, c'est... il nous reste une minute pour les questions, donc une question courte, une réponse très courte. Ah, alors 30 secondes par... Mais par je vais répondre très vite. Si, c'est... si, c'est... voilà. Je vais poser une question très rapidement. Moi, j'étais intéressé évidemment par l'articulation entre la pensée de ça et celle de Ducœur. Je voudrais savoir comment, à ce moment-là, parce que Ducœur a écrit... 50 volontaires et involontaires, je crois qu'il y a une relation entre ce texte et l'être néant, je pense que c'est en réaction. Il y a une chose qui me paraît à ce moment-là intéressante dans ce que vous avez pu dire à la fin, cette idée qu'il y a une dialectique de l'en-soi et pour soi qui est à certains égards enfin, inachevé, qui ne cesse de se mettre en scène dans la psychanalyse existentielle, mais comment vous interprétez, parce que c'est une question trop large, parce que, comment vous interprétez, donc là enfin, comment est-ce qu'on peut parfois, voilà, dans le volontaire et l'involontaire, quelque chose comme une, comme vous n'avez pas cité, ouais, quelque chose comme une réaction, justement, pour introduire, le cœur chercherait, donc à, ouais, introduire dans cette dialectique quelque chose donc sans ne pas tenir compte de ça, en tout cas pas aussi nettement, c'est-à-dire finalement cette dimension du corps. Oui. C'est une question beaucoup trop large. Oui, oui. En 30 secondes, la réponse. Oui, alors, ce que Ricoeur apporte, effectivement, mais alors, je connais pas bien le volontaire et la volontaire, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, effectivement, ce que Ricoeur va apporter à la problématique sartrienne, c'est l'introduction de cette... enfin, ce serait le récit en général, mais le récit en tant que c'est une capacité personnelle à se réapproprier quelque chose de donné. Et le corps en fait partie d'une certaine façon. C'est-à-dire, récit pour Ricoeur, c'est je vis heureusement et librement ma propre situation, en quelque sorte, en direction de quelque chose. Donc raconter, c'est cette réappropriation de l'ensemble de ce qui est déjà là, de ce qui échappe à la volonté, etc. etc. C'est-à-dire le donner, oui. Alors je le. Mais bon, j'ai répondu trop vite. Oui, je suis désolée. Je suis désolée, du coup, je crois qu'on va essayer de ne pas prendre trop de retard, à moins que ça soit une question très... Il y avait encore deux mains qui se levaient. Juste un rappel, il y a un texte qui n'a pas été cité, sauf si j'ai eu un moment d'absence, c'est les carnets de la drôle de guerre, Sartre fait un journal, enfin voilà, après la nausée, il a déjà écrit la nausée, tu dis que la nausée, c'est une solution trop intime, enfin que le journal est une solution trop intime, on l'abandonne. Il utilise dans les ouais. carnets de la drôle de guerre pour se dessaisir de soi. C'est vraiment. Ouais. Les carnets de la drôle de guerre, pour moi, c'est ça. C'est lié à la guerre, je me redécouvre dans l'histoire, engagée dans le monde, et j'écris sur moi pour me dessaisir de moi. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est toute l'écriture de soi, l'écriture immédiate de soi, conduit au dessaisissement. Et c'est pour ça que